L'actualité à Nancy et ailleurs. Lucie Chappé, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département des publics pour les musées de Nancy. Et cette semaine, le 6 juin plus précisément, ce sera la journée de l'art nouveau à Nancy avec de nombreuses animations. Dites-nous tout, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Alors tout d'abord déjà, on est heureux de pouvoir retrouver le public nancyien à l'occasion de cet événement dont la programmation a été revue en fonction du contexte sanitaire. Mais le tout étant de pouvoir de proposer une programmation festive et conviviale à la fois, le tout étant un événement qui s'adresse particulièrement aux familles, aux groupes d'amis. Donc à cette occasion, le musée des Beaux-Arts de Nancy, le palais du gouvernement, le musée de l'école de Nancy et la Villa Majorelle seront ouverts à titre gratuit et proposeront toute une série en fait de rendez-vous sous la forme de visites commentées ainsi que des programmations pour petits et grands. Alors il faut noter quand même qu'on a orienté les propositions des visites un maximum sur l'extérieur afin de profiter, on l'espère, du beau temps et de pouvoir effectivement réunir plutôt les personnes en contexte de plein air. Donc il y a deux circuits de balades Art Nouveau qui sont proposés, l'un au cimetière de Préville et l'autre au parc de Saurupt. Également des visites flash du bureau Foch par Majorelle au palais du gouvernement, ainsi que des visites libres de la Villa Majorelle. Donc l'ensemble de ces quatre rendez-vous sont sur réservation préalable auprès du département des publics. Et pour la Villa Majorelle, on invite les visiteurs à acheter leur billet gratuit en ligne sur le site de la Villa Majorelle. Au-delà de ces rendez-vous, on aura vraiment au musée de l'école de Nancy un temps fort avec une balade en musique et danse proposée par les élèves du conservatoire du Grand Nancy et une programmation musicale en fin d'après-midi par la fanfaronne. Donc tout ceci pour justement mettre en musique toute cette fête autour de l'Art Nouveau. Pour cette année, voilà, on fête les 120 ans de la création de l'association qui a réuni ces artistes. Voilà, un anniversaire qui va donc pouvoir se fêter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle en ouverture donc, de cette saison estivale avec cette journée de l'Art Nouveau le 6 juin. Vous l'avez dit, hein, donc il y a certaines visites où il faut préalablement s'inscrire, même si c'est gratuit, bien sûr, avec les contraintes actuelles. Quatre lieux, le musée des Beaux-Arts, le musée de l'école de Nancy, la Villa Majorelle, le palais du gouvernement. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques pour faire son petit programme de cette journée? Alors, vous retrouverez l'ensemble de la programmation sur les sites internet des musées, ainsi que sur le site de la ville, nancy.fr. Très bien, donc pour cette journée de l'Art Nouveau à Nancy le 6 juin. Et déjà en annonce peut-être de ce qui va pouvoir se passer en ce début d'été? Alors on peut vous donner rendez-vous prochainement, donc le dimanche 20 juin, dans le cadre de la célébration des 250 ans de la mort de Jean Lamour, où toute une journée de programmation est organisée entre le Musée des Beaux-Arts de Nancy et le Palais du Gouvernement, avec un cycle de 3 conférences, des visites flash justement sur les réalisations de Jean Lamour dans ces deux monuments, ainsi que des ateliers de pratiques techniques ou artistiques au Musée des Beaux-Arts et au Palais du Gouvernement. Les conférences sont sur inscription et ce sera également l'occasion de profiter de visites commentées de l'église Notre-Dame de Bon Secours qui seront également sur inscription auprès du département des publics. Ensuite, on entamera les débuts en fait du festival des rencontres urbaines de Nancy, donc qui démarreront fin juin et où il y aura des rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pendant tout l'été, à travers notamment des jeudis de projection, de courts-métrages du FRAC, des samedis avec des programmations spécifiques dans le jardin du Musée des Beaux-Arts. Et puis, bien entendu, toute une programmation estivale pour petits et grands, à travers des ateliers de pratique artistique, des visites commentées, des balades urbaines aussi que nous avons renforcées pour cet été, bien entendu, en tenant compte des contraintes sanitaires. Chappé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, au musée de Nancy, pour cet été? Eh bien, écoutez, un public qui soit heureux de retrouver nos collections. Et voilà qu'on a vraiment à cœur d'accueillir avec sourire, même si déjà, la première semaine de réouverture nous a permis de retrouver ce public. Merci beaucoup, Lucie Chappé. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62. We'll be right back.